بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إسوسيدي bienvenue à vous chers auditeurs et auditrices sur les ondes de Radio Mirat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et nous sommes dans la dixième assise autour des particularités, des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et ces fondements et ces particularités sont extraites des livres, de différents livres de Cheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali, hafidhahullah. Et donc, fait partie des particularités qui sont des particularités excellentes, fait partie des excellentes particularités des gens de la Sunna, c'est que ils ne vont pas volontairement à être en divergence avec les textes de la législation. Et à ce niveau-là, ils ont une particularité exceptionnelle. Quand il arrive à quelqu'un parmi eux d'être en divergence avec un texte parce qu'il ne le connaît pas, ou d'être en divergence avec un texte avec, par une interprétation permise, ou par une excuse qui est légiférée, il revient tout de suite au convenable et à la vérité. Et ça, c'est l'une des grandes qualités des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et Cheikh Rabi' nous donne des éclaircissements là-dessus quand il a répliqué à cette personne qui n'est pas citée et qui n'a pas cité son nom, qui s'appelle, qui se cache et qui a écrit Risal al-Mi'yar. Quand Cheikh Rabi' hafidhahullah a répliqué à cette Risal al-Mi'yar, قال أليس في دين الله وجوب الرجوع إلى الحق؟ ألم يكن عمر رجاعا إلى الحق وقافا عند كتاب الله؟ ألم يكن من منهج السلف وواقع من رجوعه إلى الحق؟ أليس لكل واحد من أئمة الإسلام قولان أو أكثر في كثير من المسائل؟ بل للإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. Et en répliquant à cet inconnu qui a écrit la Risale al-Mi'yar, il lui dit, Hafidhahullah, est-ce qu'il n'y a pas dans la religion d'Allah, il n'est pas stipulé dans la religion d'Allah comme quoi qu'il est obligatoire de revenir à la vérité? Et est-ce que Omar ne revenait pas à la vérité? Et est-ce que Omar ne s'arrêtait pas devant le livre, devant le texte du livre? Est-ce que ça ne fait pas partie de la voie du pieux prédécesseurs d'Allah alim dans leur vie, dans leur existence, le fait de revenir à la vérité? N'est-ce pas que chaque imam parmi les grands imams de l'islam avait deux paroles ou plus sur certains sujets? Et il dit, l'imam Shafi'i, il avait deux voix, l'ancienne voix et la nouvelle voix. يقول حفظه الله ليس من الممادح والمكرمات والمكرمات والمكرمات أن يرجع المسلم من الخطأ إلى الصواب ومن الباطل إلى الحق، فما بالكم تجعلون الممادح مذام والمكرمات نقائص. Il dit, n'est-ce pas que fait partie des éloges et des honneurs et des honneurs et des compléments que la personne, que le musulman revient du faux vers l'adéquat et vers le convenable et vers le juste, et de revenir du faux vers le vrai? Pourquoi vous faites que les éloges et les honneurs vous ont fait des blâmes, et que les honneurs vous faites que ce soit une diminution? C'est-à-dire là, parce que les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, le fait que quelqu'un revient de la vérité, du faux vers la vérité, et de revenir de ses erreurs, etc., ce qui est une situation louable, pour eux, c'est une diminution. Riyadan billah. Et c'est quelque chose de blâmable. Riyadan billah. C'est pour ça, d'où cette question de l'imam Rabi' Hafidhahullah. Et aussi, fait partie des fondements et des particularités des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les salafis, cette particularité qui fait la différence entre eux et les gens qui suivent leur passion et qui suivent les innovations. Et cette particularité prouve comment les gens de la sunna donnent l'importance au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi salam, et comment ils mettent les textes de la législation devant la parole de qui que ce soit. Peu importe qui a dit une parole et que cette parole est en divergence avec le livre et la sunna, bah, ils plaquent sa parole contre le mur et ils mettent en avant le livre et la sunna. Et dans la confirmation de ce fondement salafi, Cheikh Rabi, rahimahou, hafidhahullah ta'ala, il dit, من أصول أهل السنة التي أجمعوا عليها إن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. Et pour confirmer donc ce fondement salafi, Cheikh Rabi' nous dit, fait partie des fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est quand, comme il a dit l'imam Shafi'i رحمه الله, quand quelqu'un il a une sunna, et que la sunna lui est présentée, et qu'il en a pris connaissance, il n'a pas à délaisser la sunna pour la parole de qui que ce soit. Il n'a pas à délaisser la sunna pour la parole de qui que ce soit. وقال الشيخ ربيع حفظه الله وإيده أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين وكلهم مجمعون على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والتأسي به، ولا يجوز لأحد أن يخالفه في شيء أبدا كائنا من كان، ولا يجوز لأحد أن يتابع من خالفه في أي أمر من الأمور ذق أو جل. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le renforce et allonge sa vie dans son obéissance. Il a dit les imams de la guidance parmi les hommes de science, les hommes de science de la jurisprudence, les hommes du hadith, les interprétateurs du Coran, tous ils sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de suivre la sunna de suivre Muhammad alayhi salatu wassalam, de lui obéir, de le prendre comme exemple, et qu'il n'est pas permis à qui que ce soit d'être en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam dans quoi que ce soit, peu importe la place que peut avoir la personne. Il n'est pas permis à qui que ce soit de suivre quelqu'un qui est en divergence avec les ordres de Muhammad alayhi salatu wassalam, que ce soit dans les grandes choses ou les petites choses, peu importe, n'importe quelle soit la situation, sur des énormes, des grands sujets ou là sur des petits sujets, il n'est pas permis d'être en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam ou de suivre quelqu'un qui est en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. قال الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الشيخ عفى الله عنه: فلو جاءنا أبو الحسن بقال فلان وقال علان نقول له سلم للأدلة واعرف قواعد السلف المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الشافعي رحمه الله a dit que la communauté unanime sur le fait que quand quelqu'un a une sunna et que il a une sunna et il a eu connaissance d'une sunna du messager alayhi salatu wasalam, il n'a pas à la délaisser pour la parole de qui que ce soit. Et Cheikh Rabi', qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, a dit: si maintenant Abu al-Hassan ne vient avec la parole de tel ou la parole de tel, nous lui dirons soumis-toi aux preuves et apprends les règles des pieux prédisseurs d'Allah alim qui dont l'origine est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wasalam, comme la parole des pieux prédécesseurs qui disaient: quand le fleuve d'Allah est là, ben le fleuve de la raison est anéanti, ne doit plus exister. Ça veut dire, quand la parole d'Allah Azza wa Jal est là, quand les textes sont là, la raison doit se soumettre. وسئل الشافعي وسئل الشيخ ربيع حفظه الله: ما قولكم في من يقول لا تخرج عن المذاهب الأربعة فيقول إلى أين تخرج؟ وإذا قلنا قبلهم الأوزاعي وغيره يقول مذاهبهم درجة تحت هذه المذاهب الأربعة. الشيخ ربيع on lui a posé la question, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve: c'est quoi votre opinion, qu'est-ce que vous dites sur quelqu'un qui nous dit ne sors pas des quatre écoles de jurisprudence, car où tu veux aller si tu sors de ces quatre écoles de jurisprudence? Et quand on leur dit qu'avant ces quatre écoles de jurisprudence il y avait l'Auza'i, d'autres voies telles celles de l'Auza'i ou autres, ils disent la voie de ces gens-là de l'Auza'i ou autres sont contenus dans les quatre écoles de jurisprudence. فأجاب حفظه الله: هذا كلام لا يقوله عالم ولا نعرف عالما يقول هذا إلا أهل الضلال. أما علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون مجمعون على أنه إذا استبانت السنة لأحد لم يكن له أن يتركها لقول أحد. وقد جاء أن كثيرا من الأئمة خالفوا وخرجوا عن المذاهب الأربعة كلها، وما خرجوا عن دائرة الإسلام ولا عن دائرة الكتاب والسنة، لأن الإسلام أوسع من المذاهب الأربعة، الإسلام أوسع من دائرة الأئمة الأربعة. Il a répondu, Hafidhahullah, que cette parole, ce n'est pas une parole d'un homme de science. Il dit, on ne connaît pas un homme de science qui dit ce genre de parole, sauf les gens de l'égarement. Quant aux hommes de science de l'islam et à leur tête les nobles compagnons, leurs successeurs et les grands imams des écoles, des quatre écoles, et autres, sont unanimes sur le fait quand quelqu'un a une sunna entre les mains et il a une connaissance de la sunna, il n'a pas à la délaisser pour la parole de qui que ce soit. Et il nous a été rapporté que beaucoup parmi les grands imams de la science ont divergé et ont laissé les quatre écoles toutes. Ils ont eu des divergences avec les quatre écoles. Ils ne sont pas sortis de l'islam. Ils sont pas sortis, de ce qui est stipulé dans le livre et la sunna. Car l'islam est beaucoup plus vaste que les quatre écoles. L'islam est beaucoup plus vaste que les quatre écoles de ces grands imams. يقول والأئمة الأربعة ما أنشأوا مذاهب ليلزموا بها الناس وحاشاهم ولو ألزموا الناس بذلك لما وجبت طاعتهم، لأن الله ما ألزمنا إلا باتباع محمد واتباع الوحي. اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. مأمورون باتباع الوحي والاعتصام به، ولسنا ملزمين بقول أحد من البشر، وكلهم راد ومردود عليه. وهذا الذي يقول هذا الكلام مخالف لدعوة الله والاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما عليه الصحابة والتابعون، ولما عليه أئمة المذاهب الأربعة والفحول من أتباعهم الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا الصحابة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا الأئمة الأربعة في الدعوة للاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبد ما خالف ذلك. يقول إلدي رحمة الله عليه، إك الله سبحانه وتعالى le couvre de sa sainte miséricorde, il lui donne la santé allant sa vie dans son obéissance. Les quatre imams n'ont pas inauguré ou là instauré ces écoles pour obliger les gens à se cramponner à leurs écoles. Car s'ils avaient obligé les gens à se cramponner à leurs écoles, il n'est pas obligatoire de leur obéir. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le fait de suivre Muhammad alayhi salatu salam, et le fait de suivre la révélation. Et il est dit dans les versets qu'il a cités ici dans la traduction approximative du sens du verset, suis ce qui t'a été révélé de ton souverain. Il a été dit aussi dans le deuxième verset dans le sens de la traduction, suivez ce qui vous a été descendu de votre souverain, et ne suivez pas d'autres alliés en dehors d'Allah. Hein? Il dit, Havidallah, il nous a été ordonné de suivre la révélation, de se cramponner à la révélation. Nous ne sommes pas obligés de nous cramponner à la parole d'un être humain. Il dit, tous ces êtres humains, ils sont dans la situation où on leur réplique et ils répliquent aux autres. C'est-à-dire, il y a des paroles à prendre et des positions à prendre d'eux, il y a d'autres paroles et d'autres positions à ne pas prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'ils sont en divergence avec le livre et la sunna. Il dit, celui qui dit ce genre de parole qu'il ne faut pas sortir des quatre écoles, celui-là, il est en divergence avec la da'wah d'Allah. Et il est en divergence avec le fait de se cramponner au livre et à la sunna du prophète alayhi salam. Et cela est en divergence avec la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons et leurs successeurs. Et celui-là est en divergence avec les quatre imams des grandes écoles. Et cela est en divergence avec les érudits parmi les disciples de ces grands imams et qui ont suivi le livre d'Allah et qui ont suivi les nobles compagnons et qui ont suivi les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim et qui ont suivi les quatre imams de ces quatre voies ou de ces quatre écoles de jurisprudence. Qui les ont suivis dans quoi? Dans la da'wa vers le fait de se cramponner au livre et à la sunna et à donner le dos à tout ce qui est en divergence avec le livre et la sunna. وقال حفظه الله الأئمة براء غاية البراءة من هذا التهويش على السنة وأهلها بل هم أئمة المسلمين في احترام السنة وحبها والدعوة إليها ويأمرون أتباعهم بترك أقوالهم إذا خالفت نصا من كتاب الله أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا قلت قولا يخالف كتاب الله كتاب الله تعالى وخبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وقال الإمام أحمد رحمه الله رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار إيه الشيخ ربيع دنو دير الله سبحانه وتعالى لبخزغف les imams, les grands imams et les grands hommes de science sont innocents de ce genre de sédition autour de la sunna. et de choses de perturbation, de sédition autour de la sunna et des gens de la sunna. Les imams et les grands imams de cette communauté, ce sont les imams des musulmans dont le fait de respecter la sunna, d'aimer la sunna et d'appeler vers la sunna. Ils ordonnent à leurs disciples de délaisser leurs paroles quand leurs paroles sont en divergence avec le livre, quand leurs paroles sont en divergence avec la sunna du messager alayhi salatu salam. Voici l'imam Abu Hanifa qui dit quand le hadith est authentique, c'est ma voix. Et il a dit aussi quand je dis une parole qui est en divergence avec le livre d'Allah ou le hadith du messager alayhi salatu salam, délaissez ma parole. L'imam Ahmad rahimahullah a dit l'opinion de l'Auza'i ainsi que l'opinion de Malik et l'opinion d'Abi Hanifa, tout ça ce ne sont que des opinions. Pour moi, ils sont à pied d'égalité. La preuve, elle est dans, hein, mais la preuve, elle est dans les preuves, c'est-à-dire dans le livre et dans la sunna. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة فأي احترام للسنة أعظم من هذا. الإمام أحمد a dit aussi celui qui rejette un hadith du messager عليه الصلاة والسلام, il est sur une pente de la perdition. Est-ce qu'il y a un plus grand respect que celui-là à la sunna, vis-à-vis de la sunna? Dit Cheikh Rabi حفظه الله وقال حفظه الله وطالب الحق لا يصرفه الإعجاب والإكبار للشخصيات الكبيرة عن اتباع الحق والإنصاف والعدل فإن الحق حق أن يتبع والحجة لا يجوز إسقاطها من أجل هذا الرجل العظيم أو ذاك فمبدأ المسلم المنصف طالب للحق دائما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Le demandeur de la vérité ne doit pas se détourner de la vérité, ne doit pas se détourner de la vérité, parce que il est ébahi par la grandeur de tel homme de science, de telle personnalité ou autre. Le fait d'être ébahi, ou d'être émerveillé devant la grandeur de la science d'une personne, ou la personnalité d'une personne, ne doit pas détourner le chercheur de la vérité du fait de suivre la vérité et d'être équitable et d'être juste. Car la vérité, c'est elle qu'on doit suivre. La preuve, il n'est pas permis de faire tomber la preuve pour tel grand homme ou tel grand, hein. Le principe du musulman équitable, demandeur de la vérité, c'est toujours, hein, ce qui est stipulé dans ce verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci, dites, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. يقول نحن نرى أئمة الحديث والفقه قد سلكوا المنهج الإسلامي الحق في أخذ الأقوال المدعمة بالبراهين والحجج ورد الأقوال التي لا برهان عليها فقد أخذ العلماء من أقوال الصحابة ما أيده الدليل وردوا ما لم يكن كذلك وكذلك تعاملوا مع أئمة التابعين وأتباعهم ومنهج المحدثين إلى يومنا هذا ثابت على هذا الخط وهذا هو سبيل المؤمنين. Il dit, rahimahullah, et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, nous voyons que les imams, les hommes de science du hadith et du fiqh, ont pris cette voie authentique de l'islam. Ils ont pris cette voie dans le fait de prendre les paroles et les positions des hommes qui sont prouvées par des preuves. Et de rejeter les paroles qui sont dénudés de preuves. Et les hommes de science ainsi ont pris des paroles, des compagnons, ce qui a été renforcé par les pseux, hein, ce qui va conformément à la preuve. Ils ont délaissé ce qui ne l'était pas. Et ainsi, ils ont agi avec les grands imams parmi Tabi'in, parmi les successeurs des compagnons et les successeurs des compagnons. Et ça, c'est la voie des hommes du hadith jusqu'à nos jours. Et c'est une voie qui est ferme. Et ça, c'est la voie des croyants. Fait partie aussi des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, avec laquelle est se différencier des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion et qui prouvent l'importance qu'ils donnent au texte de la législation, c'est qu'ils n'agissent pas avec les paroles de leurs imams et de leurs hommes de science de la même façon avec laquelle ils agissent avec les textes de la législation. Au niveau de l'acceptation et de la soumission absolue. Ils ne mettent pas les paroles de leurs imams et de leurs hommes de science à pied d'égalité avec les textes de la révélation. Parce que les textes de la révélation, il est interdit de s'y poser ou de se mettre en divergence avec les textes de la révélation. Ils prennent de la parole de leur homme de science ce qui conforme à la vérité et aux preuves, et ils délaissent ce qui est en contradiction, ce qui est en divergence avec les textes. Car les positions et les paroles des hommes de science, ce n'est pas une révélation qui vient d'un infaillible. Et tout ceci parce que ils ont une grande conviction que le faillible, c'est tout simplement le messager alayhi salatu wassalam. Et en dehors du messager alayhi salatu wassalam, tout être humain est exposé à l'erreur. Peu importe sa situation, peu importe sa science. Et partant de là, ils ont déclaré que les paroles des grands hommes de science et des imams, peu importe le degré de science qu'ils ont, leurs paroles, ce n'est pas une preuve, mais on ramène des argumentations, des arguments pour argumenter pour les paroles des hommes de science. Et que tout individu, c'est-à-dire tout homme de science, on prend de lui et on délaisse. On prend de lui ce qui est conforme à la sunna du prophète et on délaisse ce qui est en divergence, sauf le messager alayhi salatu wassalam. Ils agissent ainsi, et cette particularité leur donne une différence par rapport aux gens de l'innovation et aux gens qui sont sectaires à leurs imams et qui élèvent les paroles et les positions de leurs imams et qui les mettent à pied d'égalité avec les preuves de la législation. À tel point qu'ils se soumettent complètement d'une grande soumission à tout ce que dit l'imam. Et ils ne prennent pas la voie des gens de la sunna qui est le fait d'exposer les paroles et les positions des hommes de science aux preuves et de les ramener et de les analyser selon le livre et la sunna. Et ce qui est conforme, l'accepter, ce qui est en divergence, le rejeter. Peu importe celui qui le dit, un grand ou un petit. Et ça, c'est la position, agir ainsi, c'est la position de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé sur sa voix. Et le porteur de l'étendard, de la réfutation et de l'éloge, a confirmé ceci. A confirmé ce noble fondement. Et nous a donné de grands éclaircissements sur la clarté de la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna à ce niveau-là. Nous a donné un éclaircissement qui apaise la poitrine de tout salafi, qui apaise la poitrine et le cœur de tout un chacun qui donne l'importance au livre et à la sunna. Qala hafidhahullah wa min ghuluwi as-sufiyyati fi shuyukhihim أنهم ينقلون كلامهم كأنه وحي يوحى ولا يزنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مما دفع الشيوخ إلى الأقوال الكثيرة التي لا صلة لها بالكتاب والسنة. Il dit fait partie de l'extrémisme dans lequel sont les soufis concernant leur chouyour, c'est que ils se transmettent et ils propagent les paroles de leur chouyour comme si c'est une révélation. Et ils ne ramènent pas les paroles de leur chouyour pour les exposer au livre et à la sunna. Et c'est ce qui a poussé ces chouyours à dire beaucoup de paroles qui n'ont aucun rapport avec le livre et la sunna. يقول الشيخ هذا بخلاف أهل السنة وعلمائهم الذين يزنون أقوال الناس بعد الأنبياء بكتاب الله وسنة رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قبلوه وما خالفهما ردوه ومن أصولهم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il dit, Hafidhahullah, et la position, la situation de ses disciples de Shuyur Sufi, et leur façon de faire avec leur Shuyur Sufi, il est contraire à la façon de faire des gens de la Sunna. Il est contraire à la façon d'agir des gens de la Sunna vis-à-vis de leur homme de science. Les gens de la Sunna pèsent et analysent les paroles de tous les gens après les prophètes alayhissalam avec le livre et la Sunna du messager alayhissalam. Ce qui est conforme au livre et à la Sunna, ils l'acceptent. Ce qui est en divergence, ils le rejettent. Et fait partie de leur fondement, c'est-à-dire des fondements des gens de la Sunna, c'est ce qu'il y a dans ce verset, la mise en application de ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. Quand vous avez un litige sur quoi que ce soit, sur n'importe quoi, ramenez-le vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah, comme on dit les hommes de science, et vers le messager, c'est-à-dire vers sa sunna après sa mort, alayhi salatu wassalam. Si vous êtes croyant, si vous croyez en Allah et en le-delà, et c'est la meilleure des interprétations que vous allez en faire. يقول حفظه الله الشيخ ربيع ومن أصوله المستمدة من الكتاب والسنة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, il fait partie des fondements des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna et qui est un fondement dont l'origine c'est le livre d'Allah et la Sunna du Messager عليه الصلاة والسلام. De tout un chacun on prend et on rejette aussi sauf le Messager عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire que de tout un chacun on va prendre de ses paroles ce qui est conforme au livre et à la sunna. Et on va rejeter tout ce qui n'est pas conforme au livre et à la sunna, et sauf le messager, alayhi salatu wassalam, on prend tout de lui, alayhi salatu wassalam. يقول وتجد الصوفية من أبعد الناس عن هذه الأصول ارجع إلى تراجم شيوخهم وأقوالهم لترى الغلو والمبالغات والأقوال والعقائد والإسراف في حكاية الكرامات ومنها ادعاء علم الغيب والرقابة على الناس وخطراتهم ما لا نجد منه شيئا من هذا عند السلف. Il dit, et tu trouves, et les soufis sont les gens les plus loin de ces fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il dit, reviens vers les biographies des chouyours de la Sophia. Reviens vers leurs paroles pour voir l'extrémisme et les exagérations dans lesquelles ils sont, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des paroles, et comment ils sont, ils vont très loin dans les histoires, dans la création d'histoires de prodigues, de prodiges. Et ils prétendent, que leurs chouyours connaissent l'invisible. Et aussi, ils font croire à leurs disciples comme quoi ils savent ce qu'il y a dans leur cœur et qu'ils savent ce qui se passe dans leurs pensées. Et ceci, on ne le trouve pas, c'est les pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Wa qala ayyadahu Allah. Et tu n'as qu'à voir comment ils élogent le messager alayhi salam avec des choses qui sont en contradiction avec le livre et la sunna. Prends un exemple de ce qui s'est passé pendant tout, ces deux dernières semaines qui viennent de passer où les gens fêtent ce qu'ils appellent la fête des Mouloud, chez les soufis. Oh, regarde, il y a des poèmes qu'ils récitent dans lesquels ils n'ont rien laissé à Allah Azza wa Jal. Comme ce poème qui dit « وَمِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا » Il attribue au messager alayhi salatu salam l'au-delà et le bas-monde. Il attribue au messager alayhi salatu salam l'au-delà et le bas-monde. Qala Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو من أعظم أئمتنا وله جهاد عظيم في نصرة الإسلام والسنة قل من يلحقه فيه وله نقد شديد على الصوفية في عدد من كتبه كالفرقان والفرقان بين الحق والباطل والرد على أهل وحدة الوجود كما له مؤلفات عظيمة في الرد على الأشاعرة والفلاسفة واليهود والنصارى والروافض ولتلاميذه الكبار كابن القيم وابن عبد الهادي ردود على طوائف أهل البدع ولا سيما الصوفية. إلى ذي رحمه الله تعالى وحفظه. كنت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في partie du c'est un de nos grands imams. Il a un grand, il a prodigué de grands efforts dans le fait de faire triompher l'islam et la sunna. Peu peuvent arriver à Cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Il a eu des grandes critiques concernant les sophies, que ce soit dans son livre Le Furqan, ou Le Furqan entre le vrai et le faux, la réplique, les répliques aux gens de l'unicité de l'existence, ceux qui croient que la créature et le créateur c'est une seule chose. Et il a de grands recueils dans lesquels il réplique à l'Asha'ira, aux philosophes, aux juifs, aux chrétiens, à Rawafid. Et ses grands élèves comme Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Hadi, ont des grandes répliques à tous ces groupes, à tous les groupes de l'innovation et surtout les sophies. يقول وما هذه المنازل العظيمة لهم ومع جهادهم العظيم فإننا نتعامل مع أقوالهم بتلك القاعدة الذهبية التي قررها السلف وعلى رأس من إمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, et avec cette grande place qu'ont ces grands imams et ces grands efforts qu'ils ont donnés pour la défense de la religion, on se comporte avec leur parole avec cette règle en or qui est confirmée par les pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Et alors peut-être l'imam Malik qui a dit que tout un chacun prend de ses paroles et on lui rejette sauf le messager alayhi salatu wassalam. وَنَتَعَامَلْ بِمَا يَقُولُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الرِّجَالُ يُحْتَجُّ لَهُمْ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِمْ. Et on se comporta avec aussi avec la parole du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, qui a dit les hommes, on leur cherche des preuves, mais on les prend pas comme preuves. Les hommes, on leur cherche des preuves, mais on les prend pas comme des preuves. وَبِمَا يَقُولُهُ إِذِ الْأُمَّةُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ مَالِكُ وَالْأَوْزَاعِ وَالثَّوْرِ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ قَوْلُ هَذَا هُوَ صَوَابٌ دُونَ هَذَا إِلَّا بِحُجَّةٍ. Et aussi la parole du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a dit la communauté est unanime sur le fait qu'on compte, il y a une divergence entre l'imam Malik, l'Awza'i, l'Thawri et Abu Hanifa. Quand il y a une divergence entre ces grands imams, il n'est pas permis de prendre la parole d'un parmi eux et de dire ça c'est la parole juste sans preuve. C'est la parole juste sans preuve. Non, il n'est pas permis. Il faut ramener les preuves. يقول ولا نتعامل معهم كما يتعامل متعصبة أهل الأهواء فنسلم بكل ما يقولون. Il dit on se comporte pas avec eux non plus comme se comportent les sectaires des gens de l'innovation et on se soumet à toutes leurs paroles et tout ce qu'ils disent. يقول ولا بقاعدة الصوف يكون مع شيخك كالميت بين يدي الغاسل. وقاعدة لا تعترض فتنطرد. Il dit, on ne doit pas non plus se comporter avec eux, hein, selon la règle des Sophie qui dit, sois avec ton cher comme le mort est entre les mains de ceux qui le lavent. Et la règle aussi, c'est de Sophie qui dit, ne t'oppose pas, tu vas être chassé. Ne t'oppose pas, tu vas être chassé. يقول بل نأخذ منهم ما وضح برهانه وقامت حجته وما ليس كذلك أو فيه مخالفة أو ضعف فلا نلتزمه بل نرده مع احترامنا لهم وإكبارنا لهم واعتقاد أنهم أئمة مجتهدون كغيرهم من أهل الاجتهاد للمصيب أجران وللمخطئ أجر. Il dit, et on prend de leurs paroles ce qui est prouvé par les preuves, ce qui est prouvé et ce qui est éclairé et détaillé par les preuves. Et ce qui ne l'est pas, ou les positions dans lesquelles ils ont des divergences, ou une certaine faiblesse, bah, on ne le prend pas. On le met de côté, tout en respectant ses grands temps de science, tout en leur donnant la place qu'ils méritent dans la communauté. Et on croit, on a la conviction qu'en quoi ce sont des imams qui sont dignes de l'effort d'interprétation comme d'autres, parmi les imams qui sont les hommes de science qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Celui qui l'a dans le mille, il aura de récompense. Et celui qui est dans l'erreur, ben il aura une récompense. Parce qu'ils sont dignes de l'effort d'interprétation. وقال حفظه الله من أصول أهل السنة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة إن الرجال يحتج لهم ولا يحتج بهم. Il a dit que Allah سبحانه وتعالى le préserve, que fait partie des fondements des gens de la Sunna que tout un chacun on prend de ses paroles et on lui rejette, sauf le messager alayhi salatu wassalam. Il fait partie des gens, des fondements des gens de la Sunna, c'est que les hommes, on leur cherche des preuves. Et on les prend pas comme preuves. C'est pas les hommes qui sont les preuves. La preuve s'établit en tant que preuve. Et c'est pas les hommes qui sont la preuve. Les hommes, on doit leur chercher des preuves. وقال سدده الله في سياقه في سياق رده على الحداد عبد اللطيف بشميل في اتهامه لأهل السنة بالمدينة بأنهم يتعصبون لأخطاء الألباني رحمه الله بل ويدعون إليها. Et il a dit que Allah سبحانه وتعالى le préserve, il a lancé sa vie dans son obéissance, dans le contexte où il réplique au حداد عبد الله بشميل, عبد اللطيف بشميل. Quand Abd al-Latif Bashmil a accusé les gens de Médine d'être sectaires aux erreurs de l'Albani, rahimahullah, et d'appeler les gens vers les erreurs de l'Albani. يقول الشيخ ربيع نحن نرفض أخطاء الألباني وأخطاء من هو أكبر وأجل منه ولا ندين الله إلا بالحق الثابت بالكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم في هذا المنهج وقواعده لا سيما قاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسولنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجنا. Il dit répliquant à ce Bashmil, on refuse, nous on refuse les erreurs de l'Albani. Comme on refuse les erreurs de plus grand que l'Albani et plus important que l'Albani. Et notre religion, hein, il est basé sur la vérité. La vérité établie par le livre et la sunna selon la compréhension du pieux prédécesseur de cette communauté parmi les compagnons, leurs successeurs et ceux qui les suivent à la perfection. Et ceux qui ont pris cette voie-là. Et ceux qui mettent en application cette voie et ces règles, et on met dans ce sens-là la règle que de tout un chacun on prend et on délaisse, sauf le messager alayhi salatu wassalam, et ça c'est notre voie. وقال حفظه الله في سياق تفنيده لشبه الحدادية ونحن على طريقة السلف نقول كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، وكل يؤخذ من قوله ويرد. Et il a dit, Hafidhahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, dans le contexte où il anéantit les ambiguïtés des haddadi, il leur dit, nous, nous sommes sur la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, et on dit que les paroles des hommes de science, on leur cherche des preuves, et on ne prend pas les paroles d'hommes de science comme preuves, et que tout un chacun en prend de ses paroles et on lui rejette. On prend ce qui est conforme à la sunna et au livre, et on met de côté ce qui ne l'est pas. يقول وهؤلاء الصحابة يرد بعضهم على بعض ويرجع المردود عليه إذا كانت الحجة مع أخيه. Il dit, et les nobles compagnons de Allah alayhim ont répliqué les uns aux autres, et celui à qui a été fait la réplique, quand la preuve est avec son frère, il revient. يقول وهذا أحمد يرد على الشافعي وإسحاق وغيرهم من إخوانه ويرد على سفيان الثوري ومالك ويخالفهم في كثير من المسائل. الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد ريبليكا الإمام الشافعي إلى ريبليكا إسحاق إلى ريبليكا دوتر parmi ses frères إلى ريبليكا سفيان الثوري ainsi que الإمام مالك. Il est en divergence avec eux sur beaucoup de sujets, beaucoup de points. يقول وهذا الشافعي يرد على مالك والليت يرد على مالك. Il dit الشافعي a répliqué à l'imam مالك. الليت a répliqué aussi à l'imam مالك. يقول والبخاري ومسلم وغيرهم مجتهدون لا يلتزمون مذهب أحد من الأئمة. وهذا ابن تيمية يرد ويأخذ ويعطي من أقوال الأئمة. البخاري الإمام مسلم رحمه الله d'autres parmi les dignes de l'effort de l'interprétation parmi les hommes de science ne se limite pas à la voix d'un imam. Et voici Ibn Taymiyyah qui réplique aux imams et qui prend de la voix des imams et qui prend des paroles des imams et qui met d'autres paroles de côté. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه يأخذون من أقوال الأئمة الكبار ما يوافق الدليل ويردون ما خالف ذلك فهذا هو منهج السلف. Il dit il en est de même de l'imam Mohamed bin Abdul Wahhab et de ses disciples et de ses élèves. Ils prennent de ses paroles, ils prennent des paroles des grands imams et des grands hommes de science qui conforment aux preuves. Et ils mettent de côté tout ce qui n'est pas conforme et tout ce qui est en divergence. Et il dit, Habibullah, ça c'est la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance sur cette voie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de nos hommes de science dans son obéissance. Et qu'il fasse que nous profitions de la science qu'il propage et qu'il... et qu'ils enseignent. Et pour avoir un peu plus de détails et d'éclaircissements sur la règle de tout un chacun prendre de ses paroles et on rejette sauf le messager alayhi salatu wassalam, on lira un passage de Cheikh al-Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans le commentaire dans ce recueil, en bas de la page 161. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. إذن Voyons un peu plus d'éclaircissement dans ces paroles, dans ce commentaire, dans cette marge de la page 161, où Cheikh l'Islam, il dit, les pieux prédécesseurs de cette communauté sont unanimes, ainsi que les grands hommes de science, que de chacun, de tout un chacun, on prend et on délaisse, sauf du messager alayhi salatu salam. Il dit, rahimahullah, et ça c'est la différence qu'il y a entre les prophètes et les autres humains. Car les prophètes, salutations et prières d'Allah sur eux, il est obligatoire de croire en tout ce qu'ils nous annoncent d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il est obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'il leur donne. Contrairement aux alliés d'Allah, c'est-à-dire aux hommes de science, etc. Il n'est pas permis d'obéir aux hommes de science et aux alliés d'Allah dans tout ce qu'ils ordonnent. Il n'est pas permis non plus de croire en tout ce qu'ils nous annoncent. Tout ce que nous annoncent les hommes de science et les alliés d'Allah, et tout ce qu'ils ordonnent doit être exposé. Leur ordre et ce qu'ils annoncent doivent être exposés au livre et à la sunna. Ce qui est conforme au livre et à la sunna, il est obligatoire de l'accepter. Et ce qui est en divergence avec le livre et la sunna, il faut le mettre de côté. Même si c'est celui qui l'a dit, est un grand homme de science. Même si s'il fait partie de ceux qui sont dignes de faire l'effort d'interprétation, il est excusé dans ce qu'il a dit et il aura une récompense pour son effort d'interprétation. Mais si il est en divergence avec le livre et la sunna, il est dans l'erreur. Et ça peut être parmi les erreurs qui lui sont excusées. Parce qu'il est digne de l'effort d'interprétation. Et pour qu'il en soit excusé, il faut que la personne, digne de l'effort d'interprétation, qu'il ait préservé Allah Azza wa Jal concernant ce point selon ses capacités. Qu'il est allé au bout de ses capacités dans le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ce point. Et on voit que la parole de l'imam de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah confirme la règle du tout un chacun on prend et on délaisse sauf le messager alayhi salatu salam. Et aussi pour confirmer, alhamdulillah, pour avoir un peu plus de détails concernant que les textes par les pieux prédicateurs d'Allah alim sont mis en avant par rapport aux paroles des hommes et aux opinions des hommes. On regarde ce qu'a dit le Hafiz ibn Hajar rahimahullah et il est cité dans la fin, dans la marge de la page 157 de ce recueil. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه الحافظ كوميليسيتيس الحافظ بن حجر رحمة الله عليه إلى دي لوبليغاتوار التوتان شكا كي يأي انتخو لما un ordre du messager alayhi salam et qu'il l'a connu, qu'il le montre à la communauté, qu'il oriente la communauté vers cet ordre du messager alayhi salam et qu'il conseille la communauté à le mettre en application et à le suivre. même si cet ordre du messager alayhissalam est en divergence avec l'opinion du plus important de la communauté. Car l'ordre du prophète alayhissalam est plus à mettre, il est prioritaire à mettre en avant par rapport de la parole, par rapport à la parole de n'importe qui. Et par rapport à l'opinion de n'importe qui. Hein? Il dit, partant de là, les nobles compagnons ont répliqué, ainsi que ceux qui sont venus après eux, leurs successeurs, ont répliqué aussi à tout un chacun qui est tombé en divergence avec une sunna authentique, une sunna établie authentique. Et peut-être quand même qu'ils étaient sévères dans la réplique, non pas parce qu'ils le détestent, hein, il est aimé pour eux, mais pour eux, hein, ce qu'ils aiment le plus et ce qui a le plus d'estime dans leur cœur, c'est le messager alayhi salam. Il est plus aimé d'eux et ses ordres sont plus aimés d'eux que n'importe qui. Et quand il y a une contradiction entre l'ordre du messager alayhi salam et l'ordre de quelqu'un d'autre, ben ils mettent l'ordre du messager alayhi salam pas en priorité. Hein? Et cela n'empêche pas de donner de l'importance à celui qui a aimé, hein, qui est tombé en divergence avec l'un des ordres du prophète alayhi salam. Et peut-être, hein, que cette personne, il est pardonné. Hein? Qu'il est pardonné et que il n'aime pas être en divergence avec l'ordre du prophète alayhi salam quand l'ordre lui apparaît clairement et quand il est établi pour lui. Hein? Voilà. Tout ceci nous montre que les fondements, ce fondement est très important, qu'elle nous a détaillé, Cheikh Rabbi Hafidhallahu Ta'ala, que les textes sont prioritaires sur les positions et les paroles des hommes. Et aussi que de tout un chacun, on prend et on délaisse, sauf l'infaillible qui est le messager alayhi salam. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de notre Cheikh dans son obéissance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science de nos hommes de science et nous arrêtons là pour aujourd'hui, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu likum jazakumullahu khairan.